Brusquement, le 3 janvier, le lendemain même du jour où venaient d'être réglés les comptes de la dernière liquidation, l'universel baissa de 50 francs. Ce fut une forte émotion. À la vérité, tout avait baissé. Le marché, surmené depuis longtemps, gonflé outre mesure, craquait de toutes parts. Deux ou trois affaires véreuses s'effondraient avec bruit. Et d'ailleurs, on aurait dû être habitué à ces sautes violentes des cours, qui parfois variaient de plusieurs centaines de francs dans une même bourse, affolées, pareilles à l'aiguille de la boussole au milieu d'un orage. Mais, au grand frisson qui passa, tous sentirent le commencement de la débâcle. L'universel baissait. Le cri en courut, se propagea dans une clameur de foule faite d'étonnement, d'espoir et de crainte. Dès le lendemain, Saccard, solide et souriant à son poste, relevait le cours d'une hausse de 30 francs grâce à des achats considérables. Seulement le 5, malgré ses efforts, la baisse fut de 40 francs. L'universel n'était plus qu'à 3 000. Et, dès lors, chaque jour amena sa bataille. Le 6, l'universel remontait. Le 7, le 8, elle baissait de nouveau. C'était un mouvement irrésistible qui l'entraînait peu à peu dans une chute lente. On allait la prendre pour le bouc émissaire, lui faire expier la folie de tous, les crimes des autres affaires moins en vue. De ce pullulement d'entreprises louches, surchauffées de réclames, grandies comme des champignons monstrueux dans le terreau décomposé du règne. Mais Saccard, qui ne dormait plus, qui chaque après-midi reprenait sa place de combat près de son pilier, vivait dans l'hallucination de la victoire toujours possible. En chef d'armée convaincu de l'excellence de son plan, il ne cédait le terrain que pas à pas, sacrifiant ses derniers soldats, vidant les caisses de la société de leur dernier sac d'écus pour barrer la route aux assaillants. Le 9, il remporta encore un avantage signalé. Les baissiers tremblèrent, reculèrent. Est-ce que la liquidation du 15 s'engraisserait une fois de plus de leur dépouille? Et lui, déjà sans ressources, réduit à lancer du papier de circulation, osait maintenant, comme ces affamés qui voient des festins immenses dans le délire de leur faim, s'avouer à lui-même le but prodigieux et impossible où il tendait, l'idée géante de racheter toutes ses actions pour tenir les vendeurs à découvert, pieds et poings liés à sa merci. Cela venait d'être fait pour une petite compagnie de chemin de fer. La maison des missions avait tout ramassé sur le marché, et les vendeurs, ne pouvant livrer, s'étaient rendus en esclaves, forcés d'offrir leur fortune et leur personne. Ah, s'il avait traqué, effaré Gundermann jusqu'à le tenir, impuissant, à découvert! S'il l'avait ainsi vu un matin, apportant son milliard en le suppliant de ne pas le prendre tout entier, de lui laisser les 10 sous de lait dont il vivait par jour. Seulement, pour ce coup-là, il fallait 700 à 800 millions. Il en avait déjà jeté 200 au gouffre. C'était 500 ou 600 encore qu'il s'agissait de mettre en ligne. Avec ses 600 millions, il balayait les Juifs, il devenait le roi de l'or, le maître du monde. Quel rêve! Et c'était très simple. L'idée de la valeur de l'argent se trouvait abolie à ce degré de fièvre. Il n'y avait plus que des pions que l'on poussait sur l'échiquier. Dans ses nuits d'insomnie, il levait l'armée des 600 millions et les faisait tuer pour sa gloire, victorieuse enfin. Au milieu des désastres, sur les ruines de tout. Saccard, le 10, eut malheureusement une terrible journée. À la bourse, il était toujours superbe de gaieté et de calme. Et jamais guère, pourtant, n'avait eu cette férocité muette, un égorgement de chaque heure, le guet-apens embusqué partout. Dans ces batailles de l'argent, sourdes et lâches, où l'on éventre les faibles, sans bruit, il n'y a plus de lien, plus de parenté, plus d'amitié. C'est l'atroce loi des forts, ceux qui mangent pour ne pas être mangés. Aussi se sentait-il absolument seul, n'ayant d'autre soutien que son insatiable appétit qui le tenait debout, sans cesse dévorant. Il redoutait surtout la journée du 14, où devait avoir lieu la réponse des primes. Mais il trouva encore de l'argent pour les 3 jours qui précédèrent. Et le 14, au lieu d'amener une débâcle, raffermit l'universel, qui, le 15, finit en liquidation à 2860, en baisse seulement de 100 francs sur le dernier cours de décembre. Il avait craint un désastre, il affecta de croire à une victoire. En réalité, pour la première fois, les baissiers l'emportaient, touchaient enfin des différences, eux qui en payaient depuis des mois. Et la situation se retournant, lui dut se faire reporter chez Mazot, lequel se trouva dès lors fortement engagé. La seconde quinzaine de janvier allait être décisive. Depuis qu'il luttait de la sorte, dans ses secousses quotidiennes qui le jetaient et le reprenaient à l'abîme, Saccard avait, chaque soir, un besoin effréné d'étourdissement. Il ne pouvait rester seul, dîner en ville, achever ses nuits au cou d'une femme. Jamais il n'avait ainsi brûlé sa vie, se montrant partout, courant les théâtres et les cabarets où l'on soupe, affectant une dépense exagérée d'homme trop riche. Il évitait Madame Caroline, dont les remontrances le gênaient, toujours à lui parler des lettres inquiètes qu'elle recevait de son frère, désespérée elle-même de sa campagne à la hausse d'un effrayant danger. Et il revoyait davantage la baronne Sandorff, comme si cette froide perversion, dans le petit rez-de-chaussée inconnu de la rue Caumartin, l'eût dépaysé en lui donnant l'heure d'oubli, nécessaire à la détente de son cerveau, surmené de fatigue. Parfois, il s'y réfugiait pour examiner certains dossiers, réfléchir à certaines affaires, heureux de se dire que personne au monde ne l'y dérangerait. Le sommeil l'y terrassait. Il y dormait une heure ou deux, les seules heures délicieuses d'anéantissement. Et la baronne, alors, ne se faisait aucun scrupule de fouiller ses poches, de lire les lettres de son portefeuille. Car il était devenu complètement muet, elle n'en tirait plus un seul renseignement utile, convaincue même qu'il mentait quand elle lui arrachait un mot, au point qu'elle n'osait plus jouer sur ses indications. C'était en lui volant ainsi ses secrets qu'elle avait acquis la certitude des embarras d'argent où commençait à se débattre l'universel. Tout un vaste système de papiers de circulation, des billets de complaisance que la maison escomptait à l'étranger. Prudemment, Saccard, un soir, s'étant réveillé trop tôt et l'ayant trouvé en train de visiter son portefeuille, l'avait giflé comme une fille qui pêche des sous dans le gilet des messieurs. Et depuis lors, il la battait, ce qui les enrageait, puis les brisait et les calmait tous les deux. Cependant, après la liquidation du 5, qui lui avait emporté une 10 000 francs, la baronne se mit à nourrir un projet. Elle en était obsédée. Elle finit par consulter Jean Trou. « Ma foi, lui répondit celui-ci, je crois que vous avez raison. Il est temps de passer à Gundermann. Allez donc le voir et comptez-lui l'affaire, puisqu'il vous a promis, le jour où vous lui apporteriez un bon conseil, de vous en donner un autre en échange. » Gundermann, le matin où la baronne se présenta, était d'une humeur de dogue. La veille encore, l'universel avait remonté. « N'en finirait donc pas avec cette bête vorace qui lui avait mangé tant d'or et qui s'entêtait à ne pas mourir. Elle était bien capable de se relever, de finir de nouveau en hausse le 31 du mois. » Et il grondait de s'être engagé dans cette rivalité désastreuse, lorsque peut-être il aurait mieux valu faire sa part à la maison nouvelle. Ébranlé dans sa tactique ordinaire, perdant sa foi dans la logique fatalement triomphante, il se serait, cette minute, résigné à battre en retraite s'il avait pu reculer sans tout perdre. Ils étaient rares chez lui, ces moments de découragement que les plus grands capitaines ont connus, à la veille même de la victoire, lorsque les hommes et les choses veulent leur succès. Et ce trouble d'une vue puissante, si nette d'habitude, venait du brouillard qui se produit à la longue, de ce mystère des opérations de bourse, sous lesquelles il n'est jamais possible de mettre un nom à coup sûr. Certes, Saccard achetait, jouait, mais était-ce pour des clients sérieux? Était-ce pour la société elle-même? Il finissait par ne plus le savoir, au milieu des commérages qu'on lui rapportait de toutes parts. Les portes de son cabinet immense claquaient, tout son personnel tremblait de sa colère. Il accueillit les remisiers si brutalement que leur défilé accoutumé se tournait en un galop de déroute. « Ah, c'est vous !» dit Gundermann à la baronne, sans politesse aucune. « Je n'ai pas de temps à perdre avec les femmes aujourd'hui. » Elle en fut déconcertée, au point qu'elle supprima toutes les préparations et lâcha d'un coup la nouvelle qu'elle apportait. « Et si l'on vous prouvait que l'universel est à bout d'argent, après les achats considérables qu'elle a faits, et qu'elle en est réduite à escompter à l'étranger du papier de complaisance pour continuer la campagne ?» Le juif avait réprimé un tressaillement de joie. Son œil restait mort, il répondit de la même voix grondeuse. « Ce n'est pas vrai. »« Comment, pas vrai? Mais j'ai entendu de mes oreilles, j'ai vu de mes yeux. » Et elle voulut le convaincre en lui expliquant qu'elle avait eu entre les mains les billets signés par des hommes de paille. Elle nommait ces derniers, elle disait aussi les noms des banquiers qui, à Vienne, à Francfort, à Berlin, avaient escompté les billets. Ses correspondants pourraient le renseigner, ils verraient bien qu'elle ne lui apportait pas un cancan en l'air. De même, elle affirmait que la société avait acheté pour elle, dans l'unique but de maintenir la hausse, et que 200 millions étaient déjà engloutis. Gundermann, qui l'écoutait de son air morne, réglait déjà sa campagne du lendemain d'un travail d'intelligence si prompte qu'il avait en quelques secondes réparti ses ordres, arrêté les chiffres. Maintenant, il était certain de la victoire. Sachant bien de quelle ordure lui venaient les renseignements, plein de mépris pour ce Saccard jouisseur, stupide au point de s'abandonner à une femme et de laisser vendre. Quand elle eut fini, il leva la tête et, la regardant de ses gros yeux éteints, « Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, tout ce que vous me racontez là ?» Elle en resta saisie. Tellement il paraissait désintéressé et calme. Mais il me semble que votre situation à la baisse... Moi ? Qui vous a dit que j'étais à la baisse ? Je ne vais jamais à la bourse, je ne spécule pas. Tout ça m'est bien égal. Et sa voix était si innocente que la baronne, ébranlée, effarée, aurait fini par le croire, sans certaines inflexions d'une naïveté trop goguenarde. Évidemment, il se moquait d'elle, dans son absolu dédain, en homme fini, sans désir aucun. Alors, ma bonne amie, comme je suis très pressée, si vous n'avez rien de plus intéressant à me dire... Il la mettait à la porte. Alors, furieuse, elle se révolta. J'ai eu confiance en vous, j'ai parlé la première. C'est un guet-apens véritable. Vous m'aviez promis, si je vous étais utile, de m'être utile à votre tour, de me donner un conseil. » Se levant, il l'interrompit. Lui, qui ne riait jamais, il eut un petit ricanement, tellement cette duperie brutale à l'égard d'une femme jeune et jolie l'amusait. « Un conseil ? Mais je ne vous le refuse pas, ma bonne amie. Écoutez-moi bien. » Ne jouez pas, ne jouez pas, ça vous rendra laide, c'est très vilain une femme qui joue. » Et quand elle s'en fut allée, hors d'elle, il s'enferma avec ses deux fils et son gendre, distribua les rôles, envoya tout de suite chez Jacobi et chez d'autres agents de change pour préparer le grand coup du lendemain. Son plan était simple, faire ce que la prudence l'avait empêché de risquer jusque-là, dans son ignorance de la véritable situation de l'universel. Écraser le marché sous des ventes énormes, maintenant qu'il savait cette dernière à bout de ressources. Incapable de soutenir les cours. Il allait faire avancer la réserve formidable de son milliard, en général qui veut en finir et que ses espions ont renseigné sur le point faible de l'ennemi. La logique triompherait. Toute action est condamnée qui monte au-delà de la valeur vraie qu'elle représente. Justement, ce jour-là, vers 5 heures, Saccard, averti du danger par son flair, se rendit chez d'Aigremont. Il était fiévreux. Il sentait que l'heure devenait pressante de porter un coup aux Bessiers, si l'on ne voulait se laisser battre définitivement par eux. Et son idée géante le travaillait. La colossale armée de 600 millions à lever encore pour la conquête du monde. D'Aigremont le reçut avec son amabilité ordinaire, dans son hôtel princier, au milieu de ses tableaux de prix, de tout ce luxe éclatant que payaient chaque quinzaine les différences de bourse, sans qu'on sût au juste ce qu'il y avait de solide derrière ce décor, toujours sous la menace d'être emporté par un caprice de la chance. Jusque-là, il n'avait pas trahi l'universel, refusant de vendre, affectant de montrer une confiance absolue, heureux de cette attitude de beau joueur à la hausse, dont il tirait du reste de gros profits. Et même, il s'était plu à ne pas broncher après la liquidation mauvaise du 15, convaincu, disait-il partout, que la hausse allait reprendre, l'œil aux aguets pourtant, prêt à passer à l'ennemi dès le premier symptôme grave. La visite de Saccard, l'extraordinaire énergie dont il faisait preuve, l'idée énorme qu'il lui développa de tout ramasser sur le marché, le frappèrent d'une véritable admiration. C'était fou! Mais les grands hommes de guerre et de finance ne sont-ils pas souvent que des fous qui réussissent? Et il promit formellement de se porter à son secours dès la bourse du lendemain. Il avait déjà de fortes positions, il passerait chez Delaroque, son agent, pour en prendre de nouvelles. Sans compter ses amis qu'il irait voir, toute une sorte de syndicat dont il amènerait le renfort. On pouvait, selon lui, chiffrer à 100 millions ce nouveau corps d'armée, d'un emploi immédiat. Cela suffirait. Saccard, radieux, certain de vaincre, arrêta sur le champ le plan de la bataille. Tout un mouvement tournant d'une rare hardiesse, emprunté au plus illustre capitaine d'abord, au début de la bourse, une simple escarmouche pour attirer les Bessiers et leur donner confiance. Puis, quand ils auraient obtenu un premier succès, quand les cours baisseraient, l'arrivée de d'Aigremont et de ses amis avec leur grosse artillerie, tous ces millions inattendus, débouchant d'un pli de terrain, prenant les Bessiers en queue et les culbutant. Ce serait un écrasement, un massacre. Les deux hommes se séparèrent avec des poignées de main et des rires de triomphe. Une heure plus tard, comme d'Aigremont, qui dînait en ville, allait s'habiller, il reçut une autre visite, celle de la baronne Sandorff. Dans son désarroi, elle venait d'avoir l'inspiration de le consulter. On l'avait un instant dite sa maîtresse. Mais réellement, il n'y avait eu entre eux qu'une camaraderie très libre d'homme à femme. Tous deux étaient trop félins, se devinaient trop pour en arriver à la duperie d'une liaison. Elle conta ses craintes, la démarche chez Gundermann, la réponse de celui-ci, en mentant d'ailleurs sur la fièvre de trahison qu'il avait poussée. Et d'Aigremont s'égaya, s'amusa à les farer davantage, l'air ébranlé, près de croire que Gundermann disait vrai, quand il jurait qu'il n'était pas à la baisse, car Est-ce qu'on sait jamais? C'est un vrai bois que la bourse, un bois par une nuit obscure où chacun marche à tâtons. Dans ces ténèbres, si l'on a le malheur d'écouter tout ce qu'on invente d'inepte et de contradictoire, on est certain de se casser la figure. Alors, demanda-t-elle anxieusement, je ne dois pas vendre? Vendre, pourquoi? En voilà une folie. Demain, nous serons les maîtres. L'universel remontera à 3100. Et tenez bon, quoi qu'il arrive, vous serez contente du dernier cours. Je ne puis pas vous en dire davantage. La baronne était partie. D'Aigremont s'habillait enfin lorsqu'un coup de timbre annonça une troisième visite. Ah, celui-là, non, il ne le recevrait pas. Mais lorsqu'on lui eut remis la carte de Delaroque, il cria tout de suite de faire entrer. Et comme l'agent, l'air très ému, attendait pour parler, il renvoya son valet de chambre, achevant lui-même de mettre sa cravate blanche devant une haute glace. « Mon cher, voilà !» dit Delaroque avec sa familiarité d'homme du même cercle. « Je m'en remets à votre amitié, n'est-ce pas? Parce que c'est assez délicat. Imaginez-vous que Jacobi, mon beau-frère, vient d'avoir la gentillesse de me prévenir d'un coup qui se prépare. À la bourse de demain, Gundermann et les autres sont décidés à faire sauter l'universel. Ils vont jeter tout le paquet sur le marché. Jacobi a déjà les ordres. Il est accouru. Fichtre ! Lâcha simplement d'Aigremont devenu pâle. Vous comprenez, j'ai de très fortes positions à la hausse engagées chez moi. Oui, pour une quinzaine de millions, de quoi y laisser bras et jambes. Alors, n'est-ce pas, j'ai pris une voiture et je fais le tour de mes clients sérieux. Ce n'est pas correct, mais l'intention est bonne. Fichtre, répéta l'autre. Enfin, mon bon ami, comme vous jouez à découvert, je viens vous prier de me couvrir ou de défaire votre position. D'Aigremont eut un cri. Défaite, défaite, mon cher. Ah, non, par exemple, je ne reste pas dans les maisons qui croulent. C'est de l'héroïsme inutile. N'achetez pas, vendez. J'en ai pour près de 3 millions chez vous. Vendez, vendez tout. Et comme Delaroque se sauvait, en disant qu'il avait d'autres clients à voir, il lui prit les mains, les serra énergiquement. Merci, je n'oublierai jamais. Vendez, vendez tout. Resté seul, il rappela son valet de chambre pour se faire arranger la chevelure et la barbe. Ah, quelle école! Il avait failli, cette fois, se laisser jouer comme un enfant. Voilà ce que c'était que de se mettre avec un fou. Le soir, à la petite bourse de 8 heures, la panique commença. Cette bourse se tenait alors sur le trottoir du boulevard des Italiens, à l'entrée du passage de l'Opéra. Et il n'y avait là que la coulisse, opérant au milieu d'une cohue louche de courtiers, de remisiers, de spéculateurs véreux. Des camelots circulaient, des ramasseurs de bouts de cigares se jetaient à quatre pattes au milieu du piétinement des groupes. C'était, barrant le boulevard, un entassement obstiné de troupeaux, que le flot des promeneurs emportait, séparait et qui se reformait toujours. Ce soir-là, près de 2000 personnes stationnaient ainsi. Grâce à la douceur du ciel couvert et fumeux, qui annonçait de la pluie après des froids terribles. Le marché était très actif. On offrait l'universel de tous côtés. Les cours tombaient rapidement. Aussi, bientôt, des rumeurs coururent, toute une anxiété naissante. Que se passait-il donc ? À demi-voix, on se nommait les vendeurs probables, selon le remisier qui donnait l'ordre ou le coulissier qui l'exécutait. Puisque les gros vendaient de la sorte, il se préparait quelque chose de grave, sûrement. Et de 8 heures à 10 heures, ce fut une bousculade. Tous les joueurs de flair défirent leur position. Il y en eut même qui, d'acheteurs, eurent le temps de se mettre vendeurs. On alla se coucher dans un malaise de fièvre comme à la veille des grands désastres. Le lendemain, le temps fut exécrable. Il avait plu toute la nuit, une petite pluie glaciale noyait la ville, changée par le dégel en un cloaque de boue jaune et liquide. La bourse, dès midi et demi, clamait dans ce ruissellement. Réfugiée sous le péristyle et dans la salle, la foule était énorme. Et la salle, bientôt, avec les parapluies mouillés qui s'égouttaient, se trouva changée en une immense flaque d'eau bourbeuse. La crasse noire des murs suintait. Il ne tombait du toit vitré qu'un jour bas et roussâtre, d'une désespérée mélancolie. Au milieu des mauvais bruits qui couraient, des histoires extraordinaires détraquant les têtes, tous les regards, dès l'entrée, cherchaient Saccard, le dévisageaient. Il était à son poste, debout, près du pilier accoutumé. Et il avait l'air des autres jours, des jours triomphants, son air de gaieté brave et d'absolue confiance. Il n'ignorait pas que l'universel avait baissé de 300 francs la veille à la petite bourse du soir. Il flairait un danger immense. Il s'attendait à un furieux assaut des baissiers. Mais son plan de bataille lui semblait inattaquable. Le mouvement tournant de d'Aigremont, l'arrivée imprévue d'une armée fraîche de millions devait tout emporter et lui assurer une fois de plus la victoire. Lui, désormais, se trouvait sans ressources. Les caisses de l'universel étaient vides. Il en avait gratté jusqu'au centime. Et il ne désespérait pourtant pas. Il s'était fait reporter par Mazot. Il l'avait conquis à un tel point, en lui confiant l'appui du syndicat de d'Aigremont, que l'argent, sans couverture, venait encore d'accepter des ordres d'achat pour plusieurs millions. La tactique arrêtée entre eux était de ne pas trop laisser tomber les cours au début de la bourse, de les soutenir, de guerroyer, en attendant l'armée de renfort. L'émotion était si vive que Massias et Sabatani, renonçant à des ruses inutiles, maintenant que la vraie situation faisait l'objet de tous les commérages, vinrent causer ouvertement avec Saccard, puis coururent porter ses recommandations dernières, l'un à Nathanson, sous le péristyle, l'autre à Mazot, encore dans le cabinet des agents de change. Il était 1h10, et Mosé, qui arrivait, blême d'une crise de foie dont la morsure l'avait empêché de fermer l'œil la nuit précédente, fit remarquer à Pillerault que tout le monde, ce jour-là, était jaune et avait l'air malade. Pillerault, que l'approche des désastres redressait dans des fanfaronnades de chevaliers errants, partit d'un éclat de rire. « Mais c'est vous, mon cher, qui avez la colique. Tout le monde est très gai. Nous allons nous flanquer une de ces tripotées dont on se souvient longtemps. » La vérité était que, dans l'anxiété générale, la salle restait morne sous le jour roussâtre, et cela se sentait surtout au grondement affaibli des voix. Ce n'était plus l'éclat tumultueux des grands jours de hausse, l'agitation, le vacarme d'une marée débordant de toutes parts en conquérante. On ne courait plus, on ne criait plus, on se glissait, on parlait bas, comme dans la maison d'un malade. Bien que la foule fût considérable, et que l'on s'étouffa pour circuler. Un murmure seulement s'élevait, navré, le chuchotement des craintes qui couraient, des nouvelles déplorables qu'on échangeait à l'oreille. Beaucoup se taisaient, livides, la face contractée, avec des yeux élargis qui interrogeaient désespérément les autres visages. Seulement, vous ne dites rien ? Demanda Pillerault plein d'une ironie agressive. « Parbleu !» murmura Mosé. « Il est comme les autres, il n'a rien à dire. Il a peur. » En effet, ce jour-là, les silences de Salmon n'inquiétaient plus personne dans l'attente profonde et muette de tous. Mais c'était autour de Saccard que se pressait surtout un flot de clients, frémissant d'incertitude, avides d'une bonne parole. On remarqua plus tard que d'Aigremont ne s'était pas montré, pas plus que le député Huret, averti sans doute, redevenu le chien fidèle de Rougon. Kolb, au milieu d'un groupe de banquiers, affectait d'être pris par une grosse affaire d'arbitrage. Le marquis de Bohun, au-dessus des vicissitudes du sort, promenait tranquillement sa petite tête pâle et aristocratique, certain de gagner quand même, ayant donné à Jacobi l'ordre d'acheter autant d'universels qu'il avait chargé Mazot d'en vendre. Et Saccard, assiégé par la foule des autres, les croyants, les naïfs, se montra particulièrement aimable et rassurant pour Cédille et pour Maugendre, qui, les lèvres tremblantes, les yeux humides de supplication, qu'était l'espoir du triomphe. Il leur serra vigoureusement la main, en mettant dans son étreinte l'absolue promesse de vaincre. Puis, en homme constamment heureux, à l'abri de tout péril, il se lamenta d'une misère. « Vous me voyez consterné. Par ces grands froids, on a oublié un camélia dans ma cour, et il est perdu. » Le mot courut. On s'attendrit sur le camélia. Quel homme, ce Saccard ! D'une assurance impassible, le visage toujours souriant, sans qu'on pût savoir si ce n'était là qu'un masque, posé sur les effroyables préoccupations qui auraient torturé tout autre. L'animal est-il beau ? Murmura Jean Trou à l'oreille de Mathias qui revenait. Justement, Saccard appelait Jean Trou, envahi d'un souvenir à cette minute suprême, se rappelant l'après-midi où, avec ce dernier, il avait vu le coupé de la baronne Sandorf arrêter rue Brongniart. Est-ce qu'il était encore là, dans cette journée de crise ? Est-ce que le cocher haut perché gardait sous la pluie battante son immobilité de pierre, pendant que la baronne, derrière les glaces closes, attendait les cours ? Certainement, elle est là, répondit Jean Trou à demi-voix, et de tout cœur avec vous, bien décidé à ne pas reculer d'une semelle. Nous sommes tous là, solides à notre poste. Saccard fut heureux de cette fidélité, bien qu'il doutât du désintéressement de la dame et des autres. D'ailleurs, dans l'aveuglement de sa fièvre, il croyait encore marcher à la conquête, avec tout son peuple d'actionnaires derrière lui, ce peuple des humbles et du beau monde, engoué, fanatisé, les jolies femmes et les eaux servantes en un même élan de foi. Enfin, le coup de cloche retentit. Passa avec une lamentation de tocsin sur la houle effarée des têtes. Et Mazot, qui donnait des ordres à Flory, revint vivement vers la corbeille, pendant que le jeune employé se précipitait au télégraphe, très ému pour lui-même. Car, en perte depuis quelque temps, s'entêtant à suivre la fortune de l'universel, il risquait ce jour-là un coup décisif sur l'histoire de l'intervention de d'Aigremont, surprise à la charge, derrière une porte. La corbeille était tout aussi anxieuse que la salle. Les agents sentaient bien, depuis la dernière liquidation, le sol trembler sous eux, au milieu de symptômes si graves que leur expérience s'en alarmait. Déjà, des écroulements partiels s'étaient produits. Le marché exténué, trop chargé, se lézardait de toutes parts. Allait-ce donc être un de ces grands cataclysmes, comme il en survient un tous les 10 à 15 ans, une de ces crises du jeu à l'état de fièvre aiguë qui décime la bourse, la balaie d'un vent de mort? À la rente, au comptant, les cris semblaient s'étrangler, la bousculade se faisait plus rude, dominée par les hautes silhouettes noires des coteurs qui attendaient la plume au doigt. Et tout de suite, Mazot, les mains serrant la rampe de velours rouge, aperçut Jacobi, de l'autre côté du bassin circulaire, criant de sa voix profonde « J'ai de l'universel ! À 2800, j'ai de l'universel !» C'était le dernier cours de la petite bourse de la veille. Et, pour enrayer immédiatement la baisse, il crut prudent de prendre à ce prix. Sa voix aiguë s'éleva, domina toutes les autres. « À 2800, je prends. 300 universels, envoyez !» Le premier cours se trouva ainsi fixé. Mais il lui fut impossible de le maintenir. De toutes parts, les offres affluaient. Il lutta désespérément pendant une demi-heure, sans autre résultat que de ralentir la chute rapide. Sa surprise était de ne pas être plus soutenu par la coulisse. Que faisait donc Nathanson, dont il attendait des ordres d'achat? Et il ne sut que plus tard la droite tactique de ce dernier, qui, tout en achetant pour sa carte, vendait pour son propre compte, averti de la vraie situation par son flair de juif. Massias, très engagé lui-même comme acheteur, accourut, essoufflé, dire la déroute de la coulisse à Mazo, qui perdit la tête et brûla ses dernières cartouches en lâchant d'un coup les ordres qu'il se réservait d'échelonner jusqu'à l'arrivée des renforts. Cela fit remonter un peu les cours. De 2500, ils revinrent à 2650, affolés, avec les sauts brusques des jours de tempête. Et un instant encore, l'espoir fut sans bornes chez Mazo, chez Sakar, chez tous ceux qui étaient dans la confidence du plan de bataille. Puisque cela remontait dès maintenant, la journée était gagnée, la victoire allait être foudroyante lorsque la réserve déboucherait sur le flanc des Bessiers et changerait leur défaite en une effroyable déroute. Il y eut un mouvement de joie profonde. Cédille et Maugendre auraient baisé les mains de Sakar. Kolb se rapprocha, tandis que Gentrou disparut, courant porter à la baronne Sandorf la bonne nouvelle. Et l'on vit à ce moment le petit Flori, radieux, chercher partout sa Batani, qui lui servait maintenant d'intermédiaire, pour lui donner un nouvel ordre d'achat. Mais 2 heures venaient de sonner, et Mazo, sur qui portait l'effort de l'attaque, faiblissait de nouveau. Sa surprise augmentait du retard que les renforts mettaient à entrer en ligne. Il était grand temps. Qu'attendait-il donc pour le dégager de la position intenable où il s'épuisait? Bien que, par fierté professionnelle, il montrât un visage impassible, il sentait un grand froid monter à ses joues. Il craignait de pâlir. Jacobi, tonitruant, continuait de lui jeter par paquets méthodiques ses offres qu'il cessait de relever. Et ce n'était plus lui qu'il regardait. Ses yeux s'étaient tournés vers Delaroque, l'agent de d'Aigremont dont il ne comprenait pas le silence. Gros et trapu, avec sa barbe rousse, l'air béat et souriant d'une noce de la veille, celui-ci restait paisible dans son attente inexplicable. Est-ce qu'il n'allait pas ramasser toutes ses offres, tout sauver par les ordres d'achat dont devaient déborder les fiches qu'il avait en main? Tout d'un coup, de sa voix gutturale, légèrement enrouée, Delaroque se jeta dans la lutte. « J'ai de l'universel! J'ai de l'universel !» Et, en quelques minutes, il en offrit pour plusieurs millions. Des voix lui répondaient. Les cours s'effondraient. « J'ai à 2400! J'ai à 2300! Combien? 500? 600? Envoyez !» Que disait-il donc? Que se passait-il? Au lieu des secours attendus, était-ce une nouvelle armée ennemie qui débouchait des bois voisins? Comme à Waterloo, Grouchy n'arrivait pas, et c'était la trahison qui achevait la déroute. Sous ces masses profondes et fraîches de vendeurs, accourant au pas de charge, une effroyable panique se déclarait. À cette seconde, Mazo sentit passer la mort sur sa face. Il avait reporté sa carte pour des sommes trop considérables. Il eut la sensation nette que l'universel lui cassait les reins en s'écroulant. Mais sa jolie figure brune, aux minces moustaches, resta impénétrable et brave. Il acheta encore et puisa les ordres qu'il avait reçus, de sa voix chantante de jeune coq, aiguë comme dans le succès. Et en face de lui, ses contreparties, Jacobi mugissant, Delaroque apoplectique, malgré leur effort d'indifférence, laissaient percer plus d'inquiétude. Car il le voyait désormais en grand danger. Et les paierait-il s'il sautait? Leurs mains étreignaient le velours de la rampe, leurs voix continuaient à glapir, comme mécaniquement, par habitude de métier, pendant que, dans leurs regards fixes, s'échangeait toute l'affreuse angoisse du drame de l'argent. Alors, pendant la dernière demi-heure, ce fut la débâcle, la déroute s'aggravant et emportant la foule en un galop désordonné. Après l'extrême confiance, l'engouement aveugle, arrivait la réaction de la peur, tous se ruant pour vendre s'il en était temps encore. Une grêle d'ordres de vente s'abattit sur la corbeille. On ne voyait plus que des fiches pleuvoir. Et ces paquets énormes de titres, jetés ainsi sans prudence, accéléraient la baisse, un véritable effondrement. Les cours, de chute en chute, tombèrent à 1500, à 1200, à 900. Il n'y avait plus d'acheteurs. La plaine restait rase, jonchée de cadavres. Au-dessus du sombre grouillement des redingotes, les trois coteurs semblaient être des greffiers mortuaires enregistrant des décès. Par un singulier effet du vent de désastre qui traversait la salle, l'agitation s'y était figée, le vacarme s'y mourait, comme dans la stupeur d'une grande catastrophe. Un silence effrayant régna, lorsque, après le coup de cloche de la clôture, le dernier cours de 800 francs fut connu. Et la pluie entêtée ruisselait toujours sur le vitrage, qui ne laissait plus filtrer qu'un crépuscule louche. La salle était devenue un cloaque, sous l'égouttement des parapluies et le piétinement de la foule. Un sol fangeux d'écuries mal tenues, où traînaient toutes sortes de papiers déchirés, tandis que dans la corbeille éclatait le bariolage des fiches, les vertes, les rouges, les bleues, jetées à pleine main, si abondantes ce jour-là que le vaste bassin débordait. Mazot était rentré dans le cabinet des agents de change en même temps que Jacobi et Delaroque. Il s'approcha du buffet, but un verre de bière, dévoré d'une soif ardente. Et il regardait l'immense pièce, avec son vestiaire, sa longue table centrale, autour de laquelle étaient rangés les fauteuils des 60 agents, ses tentures de velours rouge, tout son luxe banal et défraîchi, qui la faisait ressembler à une salle d'attente de première classe dans une grande gare. Il la regardait, de l'air étonné d'un homme qui ne l'aurait jamais bien vue. Puis, comme il partait, sans une parole, il serra les mains de Jacobi et de Delaroque, de l'étreinte accoutumée, tous les trois pâlissant, sous leur attitude correcte de chaque jour. Il avait dit à Florie de l'attendre à la porte, et il l'y trouva, en compagnie de Gustave, qui avait définitivement quitté la charge depuis une semaine et qui était venu en simple curieux, toujours souriant, menant la vie de fête, sans se demander si son père, le lendemain, pourrait encore payer ses dettes. Tandis que Florie, blême, avec de petits ricanements imbéciles, s'efforçait de causer sous l'effroyable perte d'une centaine de mille francs qu'il venait de faire, en ne sachant pas où en prendre le premier sou. Mazot et son employé disparurent au milieu de l'averse. Mais dans la salle, la panique venait surtout de souffler autour de Saccard. Et c'était là que la guerre avait fait ses ravages. Sans comprendre au premier moment, il avait assisté à cette déroute, faisant face au danger. Pourquoi donc cette rumeur? N'était-ce pas les troupes de d'Aigremont qui arrivaient? Puis, lorsqu'il avait entendu les cours s'effondrer, tout en ne s'expliquant pas la cause du désastre, il s'était raidi pour mourir debout. Un froid de glace montait du sol à son crâne. Il avait la sensation de l'irréparable. C'était sa défaite, à jamais. Et le regret bas de l'argent, la colère des jouissances perdues, n'entrait pour rien dans sa douleur. Il ne saignait que de son humiliation de vaincu, que de la victoire de Gundermann, éclatante, définitive, qui consolidait une fois de plus la toute-puissance de ce roi de l'or. À cette minute, il fut vraiment superbe. Toute sa mince personne bravait la destinée, les yeux sans un battement, le visage têtu. Seul, contre le flot de désespoir et de rancune qu'il sentait déjà monter contre lui. La salle entière bouillonnait, débordait vers son pilier. Des poings se serraient, des bouches bégayaient des paroles mauvaises. Et il avait gardé aux lèvres un inconscient sourire qu'on pouvait prendre pour une provocation. D'abord, au milieu d'une sorte de brouillard, il distingua Maugendre d'une pâleur mortelle que le capitaine Chave emmenait à son bras en lui répétant qu'il l'avait bien prédit, avec une cruauté de joueur infirme, ravi de voir les gros spéculateurs se casser les reins. Puis, ce fut Cédille, la face contractée, avec l'air fou du commerçant dont la maison croule, qui vint lui donner une poignée de main vacillante, en bonhomme, comme pour lui dire qu'il ne lui en voulait point. Dès le premier craquement, le marquis de Bohun s'était écarté, passant à l'armée triomphante des Bessiers, racontant à Kolb, qui se mettait prudemment à part, lui aussi, quel doute fâcheux ce saccard lui inspirait depuis la dernière assemblée générale. Jean Trou, éperdu, avait disparu de nouveau, à toutes jambes, pour porter le dernier cours à la baronne Sandorf, qui allait sûrement avoir une attaque de nerfs dans son coupé, comme la chose lui arrivait les jours de grosses pertes. Et c'était encore, en face de Salmon, toujours muet et énigmatique, le baissier Mosé et le haussier Pillerot, celui-ci provoquant, la mine fière malgré sa ruine, l'autre qui gagnait une fortune, se gâtant la victoire par de lointaines inquiétudes. « Vous verrez qu'au printemps, nous aurons la guerre avec l'Allemagne. Tout ça ne sent pas bon, et Bismarck nous guette. »« Eh, fichez-nous la paix. J'ai encore eu tort, cette fois, de trop réfléchir. Tant pis, c'est à refaire, tout ira bien. » Jusque-là, Saccard n'avait pas faibli. Le nom de Fayeux, prononcé derrière son dos, ce receveur de rente de Vendôme, avec lequel il se trouvait en rapport, pour toute une clientèle d'infimes actionnaires, venait seulement de lui causer un malaise en le faisant songer à la masse énorme des petits, des capitalistes misérables qui allaient être broyés sous les décombres de l'universel. Mais, brusquement, la vue de Dejoie, livide, décomposée, porta ce malaise à l'aigu, en personnifiant toutes les humbles et lamentables ruines dans ce pauvre homme qu'il connaissait. En même temps, par une sorte d'hallucination, s'évoquèrent les pâles, les désolés visages de la comtesse de Beauvilliers et de sa fille, qui le regardaient éperdument de leurs grands yeux noirs pleins de larmes. Et à cette minute, Saccard, ce corsaire au cœur tanné par 20 ans de brigandage, Saccard, dont l'orgueil était de n'avoir jamais senti trembler ses jambes, de ne s'être jamais assis sur le banc, qui était là, contre le pilier, Saccard eut une défaillance et dut s'y laisser tomber un instant. La cohue refluait toujours, menaçait de l'étouffer. Il leva la tête dans un besoin d'air et il fut tout de suite debout en reconnaissant, en haut, à la galerie du télégraphe, penché au-dessus de la salle, la Méchain, qui dominait de son énorme personne grasse le champ de bataille. Son vieux sac de cuir noir était posé près d'elle, sur la rampe de pierre. En attendant d'y entasser les actions dépréciées, elle guettait les morts, tel que le corbeau vorace qui suit les armées jusqu'au jour du massacre. Saccard, alors, d'un pas raffermi, s'en alla. Tout son être lui semblait vidé. Mais, par un effort de volonté extraordinaire, il s'avançait, solide et droit. Ses sens seulement s'étaient comme émoussés. Il n'avait plus la sensation du sol. Il croyait marcher sur un tapis de haute laine. De même, une brume noyait ses yeux. Une clameur faisait bourdonner ses oreilles. Tandis qu'il sortait de la bourse et qu'il descendait le perron, il ne reconnaissait plus les gens. C'étaient des fantômes flottants qui l'entouraient, des formes vagues, des sons perdus. N'avait-il pas vu passer la large face grimaçante de Bush? Ne s'était-il pas arrêté un instant pour causer avec Nathanson, très à l'aise et dont la voix affaiblie lui paraissait venir de loin? Sabatani et Mathias ne l'accompagnaient-ils pas au milieu de la consternation générale? Il se revoyait, entouré d'un groupe nombreux. Peut-être Cédille et Maugendre encore. Toutes sortes de figures qui s'effaçaient, se transformaient. Et, comme il allait s'éloigner, se perdre dans la pluie, dans la boue liquide dont Paris était submergé, il répéta d'une voix aiguë à tout ce monde fantomatique, mettant sa gloire dernière à montrer sa liberté d'esprit. Ah, que je suis donc contrarié de ce camélia qu'on a oublié dans ma cour et qui est mort de froid.